Comme un trésor de mille feux, je l'imaginais un peu. Mais à présent je n'en crois pas mes yeux. Tout doucement je vous regarde grandir. Déjà la crainte de vous voir partir. C'est pour vous deux qu'aujourd'hui je me bats. Même si l'avenir m'attriste quelquefois. Je ferai tout pour que la vie vous sourie, même si le ciel est bien trop souvent gris. On m'a appris que le bonheur se construit depuis qu'on s'est fait jeter du paradis. Ça fait des siècles que personne n'a compris qu'à coup de guerre tout ce qu'on sème c'est la nuit. Y a plus d'Éden, non plus de paradis pour tous les oiseaux tombés de la nuit. Je serai là contre l'orage et le vent. Je vous promets, je joue contre le temps. Et s'il m'arrive de hausser la voix, c'est que parfois le monde me déçoit. C'est parce qu'un jour maman m'a rendu fou que j'ai dû perdre la tête pour vous. Ça fait du bien de se confier parfois. Ça fait du bien de se confier parfois. Ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah. Ça fait longtemps que je garde ça pour moi. Ça fait longtemps que je garde ça pour moi. Pour moi.